Even. De décollage, l'avion s'envole, direction les vacances, et ouais la Méditerranée, que des filles bien sapées, et oui les strings, bikini, ses beautés, nous éblouissent, on ne sait que faire, maté par tous, sur tout ce qui bouge, la vie de rêve nous est offerte, envers et contre tous, le décor, soleil et mer, crème solaire est parti, le sable fin sous les pieds, déjà Paris à draguer, les minets bien bronzés, pour Ibn, Marcel et chansons de sortie, les tongs aussi, but de la mission, rechercher toute attraction, pour la soirée déjà imaginée, avec des femmes à nos côtés, toujours bien accompagnées, ma clique et moi, partons en vadrouille, casquette sur la tête, lunettes, que faire? Ébloui par cette beauté, déjà maqué par un friquet. C'est ça, la Côte d'Azur, on te nique à l'usure. T'as pas de thune, t'es à la rue, on lâche l'affaire. Sur un décor de sable fin, on partage nos chagrins de pas avoir de fric pour la belle vie. Sur un décor de sable fin, on partage nos chagrins de pas avoir de fric pour la belle vie. Sur un décor de sable fin, on partage nos chagrins de pas avoir de fric pour la belle vie. Sur un décor de sable fin, on partage nos chagrins de pas avoir de fric pour la belle vie. Les lascars sont sortis, les meufs en sont folles, raffolent de tous ces délires, côté à volonté, soirée chirée, prêt à danser, costume cravate, j'ai pas tes demoiselles, ambiance assurée, pour Isia, les meufs en mini-jupe, les filles à papa, streamousse, poussent des cris à la rescousse, place à la zig, sur partie pour un tour de piste, le meilleur reste à venir, soutien-gorge, dégrafé, la soirée fait commencer, les mains baladeuses, aussi voyageuses, j'en crois pas meilleuses, Ibn danse le Mia, fait preuve de bonne foi, restez éveillés, déchirés sur la mesure, faut pas rêver. Larguer les donzelles de plus belle, je rapplique avec ma clique. Les tasse-pés veulent s'éclater, déshabiller les beaux mecs. Une heure du mat, les célibataires font leur entrée sur scène. On bat les donzelles. Sur un décor de sable fin, on partage nos chagrins de pas avoir de fric pour la belle vie. Sur un décor de sable fin, on partage nos chagrins de pas avoir de fric pour la belle vie. Sur un décor de sable fin, on partage nos chagrins de pas avoir de fric pour la belle vie. Sur un décor de sable fin, on partage nos chagrins de pas avoir de fric pour la belle vie. Le sexe, le seul, l'attraction des vacances. Quand j'y repense, le temps est passé trop vite. Faut repartir, dire au revoir à tous nos amis, toutes nos conquêtes. Et oui, promettre de revenir l'année prochaine. De s'écrire, de se téléphoner, de pas s'oublier. Et oui, la belle vie, c'est bien fini ici. Tous ces délires sont éphémères. Retour au réel, le taf, le cash, vie quotidienne humaine. Dernier regard du paysage. Je rentre à l'hôtel avec mes potes, toute ma famille. Pour repartir dans ma ville, position d'une génération en perdition. Et ouais, mon gars, ça se passe comme ça par ici. Sur un décor de sable fin, on partage nos chagrins de pas avoir de fric pour la belle vie. Sur un décor de sable fin, on partage nos chagrins de pas avoir de fric pour la belle vie. Sur un décor de sable fin, on partage nos chagrins de pas avoir de fric pour la belle vie. Sur un décor de sable fin, on partage nos chagrins de pas avoir de fric pour la belle vie. Charmant, surtout très discret.